C'est celui-là, là. De toute façon, son album. Hein. J'aimais pas du tout ce mec avant. Celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, il est pas mal, mais ça joue avec un médiator, je pense. Attends. Ça, c'est bien. Il est pas parti encore. Il est pas parti. Ah moi j'aime bien. Qu'est-ce que c'est ça? De la gamme indienne? Ah non, je crois pas. Non, mais je te fais partager mes goûts. Après. Ah c'est vrai que des fois quand tu dis ouais j'aime. Déjà.

99. We'll be right back. 10 heures en ma compagnie. Alors tu fais quoi ton mari? Accasse-toi. De toute façon, je peux vivre sans toi. J'ai déjà essayé. J'ai perdu l'exploité. Je vais pouvoir niquer. Bye bye chérie. Bye bye. De merci aux leaders. Je suis parti en délire. Sur le 1. Calme-toi. Attends, la mesure. À vous les riffs. Et moi j'essaie de suivre. We'll be right back. s'appelle Black. Lenny Kravitz. Benji. Benji. Pios Karma Kravitz. Hey, hey, hey. batteur est nul. Virez le batteur. Thank you.

Basta, c'est une bonne chose.